بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في درسنا السادس في هذه السلسلة في شرح الأحاديث في الاعتقاد والاتباع donc commence donc le cours numéro 6 dans l'explication de ces hadiths qu'a choisi le Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala dans la croyance et le suivi. Et donc le Cheikh il nous dit Hafidhahullah al-hadith al-khamis wa al-sadis. Le hadith le cinquième et le sixième hadith khuturatu du'a ghayrillah. Le danger quant au fait d'invoquer autre que Allah Ta'ala. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري سلام ابن مسعود رضي الله عنه qui dit celui qui meurt en invoquant un égal en dehors d'Allah rentrera dans le feu rapporté par البخاري وعن جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم Et selon جابر رضي الله عنه que le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui rencontre Allah sans lui accorder quelconque associé rentrera au paradis et celui qui le rencontre en lui ayant accordé un associé, rentrera au feu, rapporté par Muslim. Fi hadith Jabir, khuturatu al-shirki umuman. Khuturatu al-shirki umuman. Sawa'an fil ibada, aw al-rububiyya, aw al-asma'i wa sifat. Il y a dans le hadith de Jabir, celui qui a été rapporté par Muslim, il y a le danger du shirk, le danger du polythéisme de façon générale. Que ça soit dans l'adoration, dans les noms et attributs, dans Rububiya, dans la seigneurie. Le danger du shirk de façon générale. Wa fi hadith ibn Mas'ud, khuturatu shirki fi du'a. Il y a dans le hadith d'Ibn Mas'ud le danger du polythéisme dans l'invocation. Wa du'a a'zamu al-ibadat. Et l'invocation est l'acte d'adoration le plus grandiose. Comme bayyanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi ad-du'a huwa al-ibada. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a montré lorsqu'il dit l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration, c'est-à-dire l'acte le plus important de l'adoration. Comme il nous dit sallallahu alayhi wa sallam al-hajju arafa. Le hajj c'est arafa. C'est-à-dire, Arafah, c'est le moment le plus important du Hajj. Il faut que tu fasses très attention à ce moment-là. وَقَدْ قَسَمَ الْعُلَمَا الدُّعَى إِلَى قِسْمَيْنِ Les savants, ils ont donc divisé الدُّعَى, l'invocation, en deux types. Qu'on a déjà vu plusieurs fois, même ici à Mulhouse. دُعَى الْمَسْأَلَى وَدُعَى الْعِبَادَى L'invocation liée à la demande. Et l'invocation liée à l'adoration. L'invocation liée à la demande, le fait que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'accorde ta subsistance, qu'il te guide, etc., etc., qu'il t'accorde le paradis, le fait que tu l'invoques. L'invocation liée à l'adoration, kullu ibadatin takumu biha. Tous les actes d'adoration que tu vas accomplir, tous les actes d'adoration que tu vas accomplir sont appelés du'a. Pourquoi ? قالت العلماء لأن المرء حينما يقوم بعبادة فكأنما يدعو ربه أن يتقبل منه هذا العمل وأن يدخله بسببه الجنة. Car l'individu, lorsqu'il accomplit un acte d'adoration, la prière, le hajj, la zakat, c'est comme s'il demande à son Seigneur d'accepter de lui cet acte d'adoration et de lui faire rentrer au paradis par la cause de cet acte qu'il accomplit. فمن مات وقد دعا غير الله تبارك وتعالى ولم يتوب من ذلك فهو من أهل النار. Et donc celui qui meurt et qui a invoqué autre que Allah تبارك وتعالى sans s'être repenti de cela, celui-ci fait partie des gens du feu. إذن دعاء غير الله أمره خطير. Et donc c'est un sujet très dangereux. وما خطورته فإنه لا يفيد شيئا. Et en plus de ce danger, eh bien le fait d'invoquer autre que Allah ne rapporte aucune, n'est d'aucune utilité. Le fait d'invoquer autre que Allah n'est d'aucune utilité. Et donc le fait d'invoquer Jésus, tout cela n'est d'aucune utilité. Le fait d'invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout cela n'est d'aucune utilité. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah quiconque ne t'est d'aucun profit ou ne peut te faire aucun mal. Et si tu le fais, alors tu seras parmi les injustes. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et qui est plus égaré que celui qui invoque ceux qui ne lui répondent pas jusqu'au jour de la résurrection? Et certes, ceux-là sont distraits de leur invocation. Ils ne savent même pas que vous les invoquez. Ça ne sert à rien de les invoquer. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Et lorsque les gens seront ressuscités, alors ils seront leurs ennemis. Ils seront leurs ennemis et ils vont se désavouer. Ils vont renier leurs adorations. Ces personnes que vous avez invoquées, Jésus ou autres, ils seront vos ennemis au jour de la résurrection. Et ils vont renier tous les actes d'adoration que vous leur avez accordé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u la. Oh les gens, oh hommes, une parabole vous est montrée, alors écoutez-la. Écoutez-la. Inna alladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaba wa law ijtama'u la. Certes, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne pourront pas créer une mouche, même s'ils se réunissent tous pour le faire. Ils ne pourront pas le faire. Et ensuite, il nous dit: Tabaraka wa ta'ala wa iyaslubhum adh-dhubab shay'an la yastanqidhuhu minhu. Et si cette mouche leur enlève quelque chose, ils ne pourront pas la récupérer. Ces divinités que vous invoquez ne peuvent même pas se protéger contre une mouche. Da'fa at-talib wal matlub. Que sont faibles celui qui recherche et celui qui est recherché. Donc cette divinité qui recherche ce qui lui a été pris de la mouche et cette mouche qui est faible. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ici la faiblesse des fausses divinités et donc il n'y a aucune utilité à les invoquer en dehors de lui tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ دَعَى غَيْرَ الْخَالِقِ سبحانه وتعالى فهو مخالف للعقل الصحيح ومخالف لجميع الأنبياء. Et donc celui qui invoque autre que le créateur des cieux et de la terre, alors celui-ci va contredire la raison saine et il va contredire la voix de tous les prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez-moi ce qu'ils ont créé. Ont-ils une quelconque participation dans la création des cieux? Le prophète Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre ici que le fait d'invoquer ceux qui n'ont pas créer les cieux et la terre, cela est contraire à la raison. Voilà pourquoi il appelle son prophète à dire à ses polythéistes, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, montrez-moi ce qu'ils ont créé. Et donc si aujourd'hui, chrétiens, juifs ou autres, ils affirment que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, pourquoi on va adorer, pourquoi on va invoquer autre que lui? Et même cela est contraire à tous les prophètes. Ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Venez, montrez-moi un livre qui appuie cela. Un livre avant celui-ci, donc avant le Coran, qui appuie cela, qui appuie le fait d'invoquer autre qu'Allah. Venez avec votre livre, avec votre preuve. Aw atharatin min ilm, ou alors des restes d'une science, des paroles des prophètes, qui montrent cela, si vous êtes véridique. Mais vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas un prophète qui appelle au fait d'adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, on a déjà vu plusieurs fois que quand nous le mar'i, yushriku billahi tabaraka wa ta'ala, فَهَذَا الشِّرْكُ يُحْبِتُ الْعَمَلِ. On a déjà vu aussi, donc parmi les éléments qui montrent le danger du polythéisme, le fait que le polythéisme va rendre les œuvres caduques. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre cet exemple avec les prophètes, les pieux. Et il nous dit, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Et voilà l'argumentation par laquelle nous avons donné le dessus à Ibrahim face à son peuple. Certes, ton Seigneur élève en degré qui il veut. Il est le sage, le savant. وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. Et nous lui avons accordé Ishaq et Yaakoub. Nous les avons tous guidés. Et Nuh, nous l'avons guidé avant eux. Et parmi sa descendance. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala cite parmi sa descendance ceux qu'il a guidés. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que ici, c'est la descendance, ce qui est voulu, c'est la descendance de Nuh ou la descendance de Ibrahim? Et donc, il nous dit وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب داود سليمان أيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. Et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Tous font partie des pieux. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. Et tous, nous les avons favorisés aux hommes de leur époque. وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et parmi leurs ancêtres. Et donc Allah nous a cité déjà ces prophètes et ces pieux-là. Et ensuite il nous dit, et parmi leurs ancêtres, parmi leurs descendants, et parmi leurs frères, nous les avons choisis et nous les avons guidés vers une voie de rectitude. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لِحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ceci est la guidée d'Allah qu'il accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et si il faisait du polythéisme, et si ceux-là, donc ceux qui ont été cités, et les autres parmi leurs ancêtres, leurs frères, leurs descendants, parmi ces pieux et ces prophètes, s'ils faisaient du polythéisme, alors leurs œuvres auraient été rendues caduques. Subhanallah. Ça, c'est les pieux, les prophètes. Allah Azza wa Jal qui dit concernant son prophète Muhammad, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu fais quelconque, si tu accomplis quelconque polythéisme, acte de polythéisme, alors tes œuvres seront rejetées, tes œuvres seront caduques, rendues caduques, et tu feras partie des perdants, min al-khasirin. Et donc, il nous est obligatoire, oh mes frères, qu'on accorde de l'importance à ce sujet. Allah, il nous parle ici des prophètes, des pieux. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes qui nous disent non, Maalish, le shirk, Maalish, à chaque fois on nous parle de tawhid, c'est bon, on a compris, on a compris. Et donc, il faut vraiment, chers frères, qu'on accorde énormément d'importance à ce sujet. Ensuite, l'auteur qui nous dit, le Cheikh Rabi'a nous dit, Hafidahullah ta'ala, al-hadithu al-sabi'u wa thamin. Le hadith, le septième hadith et le huitième. Al-amru kulluhu lillahi wahdahu. لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما. L'ordre tout entier appartient à Allah. Le commandement tout entier appartient à Allah seul. Et il n'y a nul prophète ou ange ou autre qui participe à cela avec lui. An Anas qala شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Selon Anas ibn Malik رضي الله عنه qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, donc shudja ici, une blessure à la tête, une blessure ouverte, durant la bataille de Uhud. Et une de ses incisives externes a été cassée. Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'un peuple qui blesse leur prophète peuvent atteindre la félicité? Ici, donc, el-falah, c'est le fait d'atteindre le plus grand objectif, le paradis. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir? Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, « Laysa laka min al-amri shay'. » Tu n'as aucune part du commandement. Tu n'as aucune part du commandement. « Wa animni Umar radiyallahu anhu. » رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو لصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء. Et selon Ibn Omar رضي الله عنهما, qui dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il levait sa tête, lorsqu'il se levait du rukou durant la dernière unité du fajr, il disait ô Allah, maudit un tel et un tel. Il disait cela après avoir dit Sami' Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd. Alors Allah a fait descendre sa parole Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part du commandement. Et dans une narration, il invoquait contre Safwan ibn Umayyah et Suhayl ibn Amr et al-Harith ibn Hisham. Alors la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendue Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part du commandement. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Nasa'i, Ahmed et Al-Tirmidhi. وهذا الحديث قد تكلمنا عنه سابقا. Et ce hadith, on l'a déjà cité précédemment. وهو متعلق بأمر عظيم درس مهم لكل مريد للحق. Ce hadith, il est lié à un sujet très important. Un dars, une leçon très importante pour toute personne qui recherche la vérité. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ فِي غَزْوَةِ أُحُدِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons, ils combattaient les polythéistes pendant la bataille de Uhud. وَهَزَمُوهُمْ ils ont eu le dessus sur eux. هَزَمُوهُمْ فِي أَوَّلِ الْمَعْرَكَةِ. Ils ont eu le dessus sur eux au début de la bataille. لكن الأمر تغير بعد ذلك. Mais après cela, la situation a changé. بسبب مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. La situation elle a changé à cause du fait que certains compagnons ont désobéi à son ordre, sallallahu alayhi wa sallam. Fakutila man kutila min as-sahaba. Alors, il y en a parmi les compagnons qui furent tués à cause de cela, à cause de cette désobéissance. Wa shujja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à cause de cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Wa kullu hadha min ajli ma'siyatin waqa'a fiha ba'du as-sahabati li mukhalafati amri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela à cause d'un péché dans lequel sont tombés certains compagnons lorsqu'ils ont contredit, lorsqu'ils ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فماذا يقال الآن مع الشرك الموجود في صفوف المسلمين؟ Alors que devons-nous dire aujourd'hui avec le polythéisme qui est présent dans les rangs des musulmans? أو في صفوف كثير من المنتسبين إلى الإسلام. Le polythéisme qu'on voit chez beaucoup de personnes qui s'affilient à l'islam. والبدع أو وفشو البدع والمعاصي في صفوف المسلمين. Et la propagation des innovations et des péchés dans les rangs des musulmans. Que devons-nous dire à notre époque? فَالْعُكُوبَةُ الضَّعْفِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ الْآنِ. Et donc la sanction de tout ce polythéisme qu'il y a, des innovations, des péchés qu'on peut trouver dans la communauté, la sanction c'est la faiblesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La faiblesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, malgré le grand nombre des musulmans. فَهَذَا دَرْسٌ مُهِمٌ لِهَؤُلَاء الَّذِينَ يَدْعُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى نَصْرِ فَلَسْطِينَ بِالْمُظَاهَرَاتِ وَالْمُقَاطَعَةِ. Et donc ça, c'est une leçon importante pour tous ceux qui appellent les musulmans à secourir la Palestine par les manifestations et le boycott. Le fait qu'ils étudient la sira, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils étudient la bataille de Uhud, ce qui s'est passé à la bataille de Badr, et ensuite ce qui s'est passé à la bataille de Uhud, la différence entre les deux, qu'est-ce qui a fait que... Et donc il est important que les musulmans étudient ce sujet pour comprendre comment sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Wa fil hadith, anna al-amra kullahu biyadillah. وحده يهدي من يشاء من عباده. Et il y a dans ce hadith le fait que le commandement tout entier est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il guide qui il veut parmi ses serviteurs. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم كون هؤلاء يفلحون ودعا على بعض صناديدهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a trouvé lointain le fait que ces gens-là réussissent. Comment est-ce qu'un peuple qui blesse leur prophète puisse réussir? Il a trouvé lointain le fait qu'il puisse réussir. Et il a invoqué contre certains de leurs leaders. فَهَدَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَمْ يَسْتَجِبْ لِدُعَاءِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ. Alors Allah, il les a guidés. Allah, il les a guidés et il n'a pas répondu à l'invocation, il n'a pas exaucé l'invocation de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela. Et donc ça nous montre, ô chers frères, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la yastahiqu al-ibada. Cela nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas d'être adoré. Fa ghayruhu min babin awla. Et donc tout autre, alors que lui c'est la meilleure des créatures, et donc les autres, tous ceux qui sont en dehors de lui, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mérite encore moins d'être adoré. Si lui ne mérite pas, alors que dire des autres? Alors que c'est lui la meilleure des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan alayna ayyul ikhwa an nu'alliqa qulubana billahi tabaraka wa ta'ala. Wa la yaliqu ta'alluqu qulubina bimakhluqin sawa'an kana nabiyyan aw salihan aw malan. Et donc, ô chers frères, nous devons faire en sorte que nos cœurs soient accrochés, soient liés à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'est pas convenable que nos cœurs soient liés à une de ces créatures. Que ce soit un prophète ou un pieux, ou alors de l'argent. Il n'est pas normal que notre cœur soit lié à une des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons faire en sorte que nos cœurs soient liés à Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh Sa'di rahimahullah, il dit dans le tafsir de ce verset, « Laysa laka min al-amri shay'. Tu n'as aucune part du commandement. » Il dit dans le tafsir rahimahullah, « Hada akbaru raddin ala alladhina yata'allakuna bil-anbiya'i was-salihin. » Il nous dit ceci, est la plus grande et la plus forte réplique à ceux qui sont liés, dont leur cœur sont liés aux prophètes et aux pieux. Tu dois faire en sorte que ton cœur soit lié à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu suis les prophètes, tu suis les pieux. Mais ton cœur, il est lié, il est accroché à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne laisses pas, tu ne vas pas invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne vas pas mettre ta confiance à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne vas pas, etc., etc., parmi les autres actes d'adoration. Et donc, il faut faire très attention à cela. Tous ces gens qui vont invoquer leurs pieux ou ceux qui sont dans les tombes, etc., tout cela parce que leurs cœurs sont liés à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Et on va arrêter donc avec cela pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et demain, on continue. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا